الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قال العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسيره فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت On continue cette série de cours sur Al-Firaq, Al-Dhalla, les sectes en islam. Aujourd'hui, on va étudier une de ces sectes. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana fi kitabihi al-azim. Et on a lu le verset wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilu al-mujrimin. À connaître la voie de Ha'ula al-Dhullal, c'est muhim jiddan. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi qala fa inna sabil al-mujrimin idha istabanat wa attadhahat amkana ijtinabaha wa al-bu'd anha. Pour ne pas tomber dans al-shubah, pour ne pas ayadan billah avoir des doutes ou plus grave, rejoindre ces sectes, al-muslim, il doit faire des efforts pour connaître ha'oula, connaître leurs fondements, connaître leurs caractéristiques, connaître leur manhaj, hatta il est ala ilm, li anna hadhihi al-firaq, qu'on va étudier ensemble, bi-idhnillahi azza wa jal, mawjouda, al-an, fil-umma. C'est pas une simple lecture qu'on va faire, ou pour raconter des histoires. Abadan. C'est pour mettre en garde contre un shara azim. Qala Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi bi khilaf ma law kanat mushtabaha multabisa fa innahu la yahsul hadha al maqsoud al jalil. Amma celui qui connaît pas, qui ignore, qui connaît rien de ces sectes, enfin, comment il va faire pour s'en écarter? Comment il va faire pour les détester fillah azza wa jal? Comment il va faire pour mettre en garde ses proches, ses frères contre Ha'oula? Qala azza wa jal, wa litastabina sabilu al-mujrimin. C'est un maqsoud azim qui est cité dans le Coran. Aïe, de connaître la voie des égarés. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage à faire des efforts fi hada, hatta on est ala bayina. On est ala ilm. Et parmi ces groupes qui font beaucoup de mal, et c'est la première secte qu'on va étudier ensemble, min ha'ula al-mujrimin al-dhallin al-khawarij. Kafallahu al-muslimin sharrahum. Awalan, al-khawarij, هذا اللفظ. Ce nom, c'est jam'u kharij. C'est le pluriel de kharij. وخارجي يقال كذلك خارجي اسم مشتق من الخروج ça vient de الخروج وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من أصول هذه الفرقة parmi leurs fondements c'est الخروج الخروج littéralement ça veut dire sortir وهنا المقصود أي sortir contre le gouverneur se rebeller فالعلماء ils les ont appelés خوارج قال الإمام الأجوري رحمة الله عليه في كتابه النفيس الشريعة ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. En une phrase, رحمة الله عليه, cet imam, il te résume cette secte. يخرجون على الأئمة والأمراء. Ils se rebellent contre les savants et contre les gouverneurs. ويستحلون قتل المسلمين. Et ils rendent halal le sang des musulmans, l'honneur des musulmans. وقال ميمون بن مهران رحمة الله عليه كما في فتح الباري لابن رجب الخارجي هو الذي إذا خالفت رأيه سماك كافرا واستحل دمك. الخارجي c'est celui si tu le contredis, tu suis pas sa voix, tu suis pas son égarement, il t'accuse d'être un kafir. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il a résumé tous ces points. فقال مذهب الخوارج يتكون من ثلاثة أشياء. Cette secte, elle est fondée sur trois choses, trois points, trois fondements. أولا تكفير المسلمين. يكفر المسلمين بغير حق. يكفر بالمعاصي بالكبائر. Ça c'est le premier point. Donc il rend mécréant les musulmans. Deuxième point, al khuruj an ta'ati wali al amr. Deuxième point, la rébellion, la révolte contre les gouverneurs musulmans. Troisième point, istibahatu dima'il muslimin. Troisième point, ils rendent halal le sang des musulmans. Et pour eux, tuer un musulman, c'est halal, ayyadan billah. Et ces points, on les détaillera, bi'idnillahi azza wa jal, quand on citera les usul, les fondements de cette secte. Qabla dhalik, nathkur nash'atahum, et leur apparition, un bref historique sur ce groupe. Qala al-imam al-ajurri, rahimahullahu ta'ala, في الشريعة فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. La première fois qu'ils sont apparus, c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Un homme qui s'appelle Dhul Khwaysira al-Tamimi al-Khariji قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de partager le butin. فَقَالَ لَهُ هَذَا الرَّجُلْ اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدْ. Et sois juste, يَا مُحَمَّدْ. طَعْنٌ فِي نَبِيِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il a accusé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de manquer de justice, d'être injuste. قَالَ فَمَا أَرَاكَ تَعْدِلْ. انظروا comment il a osé parler au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال اعدل يا محمد ثم قال فما أراك تعدل. Et pour lui, النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas été juste quand il a partagé ce butin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a répondu, si moi je ne suis pas juste, qui c'est qui va être juste? لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est رسول الله. Il est appuyé par le wahi. فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين. الحديث. ثم النبي صلى الله عليه وسلم informé أن هذا et des gens qui vont le suivre, vous allez minimiser votre salat par rapport à leur salat, votre lecture du Coran par rapport à leur lecture du Coran, et ils vont sortir min ad-din comme la flèche elle sort de sa proie. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Hadhihi c'est la première apparition de haoula. Wa al-hadith il est, nous on a résumé al-hadith, il est cité complètement fi sahih al-Bukhari عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه وكذلك عند الإمام مسلم. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه ثم أنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة. ثم une période de longues années après هذه القصة, ils se sont regroupés, un groupe d'hommes, de personnes, et ils se sont dirigés vers le Médine, en direction de le Médine. Tout ça pour soi-disant al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et pour appeler au bien et réprimer le mal. Faqatal Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. وقد اجتهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان رضي الله عنه فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم ثم هؤلاء الخبثاء إذن تشوي عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الصحابي الجليل رضي الله عنه C'est le seul qui s'est marié avec deux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Tastahi minhu al-mala'ika. Combien de fada'il sur Uthman radiyallahu anhu. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam basharahu bil jannah. Il lui a annoncé annahu il rentrera bil jannah. Et il est encore vivant alayhi radiyallahu anhu. Qataluh. Qataluh. Limada tout ça au nom du amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Alors que c'est, il fait partie des khulafa, al-rashidin, al-mahdiyin. قال الإمام الآجري ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه وأظهروا قولهم لا حكم إلا لله ثم بعد ذلك quand ils ont tué عثمان رضي الله عنه ثم ils ont combattu علي tout ça au nom de l'islam لا حكم إلا لله pour eux علي رضي الله عنه ومن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont pas jugé بكتاب الله donc ils les ont كفر et ils les ont combattu عياذا بالله فقال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه ثم علي رضي الله تعالى عنه وفقه الله عز وجل لقتالهم أي les a combattu أهل حرورة ils se sont regroupés dans un endroit حرورة c'est pour ça que l'ulama ils les appellent الحرورية et ils ont combattu أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه c'était lui أمير المؤمنين il les a combattu ونصره الله عز وجل ثم بعد ذلك قتل عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم الخارجي عليا رضي الله تعالى عنه هم أهل غدر quand علي رضي الله تعالى عنه il a eu le dessus فهذا الخبيث عبد الرحمن بن ملجم قتله علي رضي الله عنه il se dirigeait vers le masjid صلاة الفجر فهذا الخبيث طعنه il l'a poignardé وقتله فهؤلاء هم الخوارج يقتلون أهل الإسلام بل خيرة الناس عثمان وعلي ils font partie des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام من الخلفاء ومع هذا tu trouves أن هؤلاء قتلوهم c'est pour ça que connaître les fondements de هؤلاء pourquoi الآن cet homme que ce soit عبد الرحمن بن ملجم أو ذو الخويصرة أو هؤلاء أهل حارورة Pourquoi ils se sont séparés de Jama'a? Pourquoi ils ont osé combattre Ashab Rasulullah sallam? Alors que chaque mu'min, walaw c'est un ignorant, il aime Ashab Rasulullah sallam. Il aime les compagnons, radiyallahu anhum. Fakayfa, ha'oula, ils sont arrivés à un point, annahum ils les combattent. Annahum ils disent c'est des kuffar. C'est ça le but de cette kalima. C'est pas de raconter simplement l'histoire, et ne pas tirer de points. Là, les annahaoulal un, ils sont présents, kadalik, et combattent les musulmans, kadalik. Fattarikh yu'id nafsa, c'est l'usloub qui change, faqat. C'est pour ça que talib al-ilm, il doit connaître les fondements de ces sectes. Hatta même si l'époque elle change, même si le discours il change, les fondements c'est les mêmes. Et la fitna c'est la même. Abu Umama, radiyallahu anhu, sahabi jalil, ra'a ru'usan, منصوب على درج دمشق. Il est parti au masjid à Dimashq et il y avait des têtes de هؤلاء الخوارج الأزارقة. Ils sont plusieurs groupes, هم الأزارقة إلى آخره. لكن نحن on parle de الخوارج بالعموم. Et tous ces groupes qui se sont divisés بعد, ils reviennent tous au même fondement. فلما رأهم, il a trouvé leurs têtes. Que ces têtes elles étaient posées sur les escaliers de ce masjid à Dimashq à Ifisha faqala radiyallahu anhu kilabun nar quand il les a vus il a dit cette parole kilabun nar et c'est les chiens de l'enfer qala sharru qatla taht adim as-sama خير قتلى من قتلوه. Quand il les a vus, هؤلاء, qui étaient morts, il n'y avait que leur tête de poser, il a dit ce kalam. كلاب النار شر قتلى. Et c'est les pires. ثم il a démontré كذلك أن celui qui se fait tuer par les خوارج c'est خير قتلى. Et c'est un خير pour lui. Ils ont demandé à Abu Umam, أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand il a dit كلاب النار, quand il a démontré que c'était les pires, بعض الناس, ils ont demandé, est-ce que c'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قال أبو أمامة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. Il leur a dit, si je l'aurais entendu que deux fois, trois fois, jusqu'à sept fois, je ne vous aurais pas informé. Ça montre qu'il l'a entendu plus. Et ça montre que c'est un hadith marfou' عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé haoula kilabun nar. Sharrul khalq wal khaliqa dans un autre hadith. Et tout le fasad que tu vois l'an fil umma, la cause, c'est le début de cette fitna. Quand ils ont tué Uthman, radiyallahu anhu. Ils sont sortis, ils ont tué Uthman, thumma ils ont tué Ali, et il a l'an, yaqtulouna fil muslimin wa yakhrujouna ala l'umara. Et ça fait des fitnes. Et ils divisent l'umma. Et al-a'da, ils se servent de haoula qadiman wa hadithan pour faire le fitna fi bilad al muslimin. Lakin lil asaf kathir min al muslimin, ils connaissent rien de haoula. Bel kathir min al muslimin, à cause de leur ignorance, robama, ils accusent leurs frères musulmans qui sont contre haoula al khawarij et qui connaissent le khawarij d'être un kharij. Pourquoi al jahl, l'ignorance? Kathir min al nas, ce qu'ils connaissent de ce groupe, c'est ce qu'ils voient à la télé. Kathir ibn al-Nas, ce qu'ils connaissent de ce groupe, c'est les informations qu'ils reçoivent. Min a'da illa. Tu ne pourras jamais connaître ce groupe avec les informations de l'a'da, des ennemis de l'islam. Abadan. Tu connaîtras ce groupe avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et aqwal ahl al-ilm. Fi sahih muslim, babun al-khawarij shir al-khalq wal-khaliqa. Fi sahih muslim, ce chapitre, al-khawarij, c'est les pires. ثم إلى ست حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم نعم قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. هكذا il les a décrits, Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam. Annahum, c'est des ubbad, ils font beaucoup d'ibada. Ils lisent beaucoup le Coran. Lakin, yukafiroun al-muslimin. Ils se rebellent contre les gouverneurs. Fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a qualifiés de, malgré ces efforts qu'ils font fait le Coran et fait l'ibada, sharrul khalqi wal khaliqa. C'est les pires des créatures. Lakin, pour bien connaître ce groupe, tu dois connaître leur usul. Bit tafsil, ou bishay min al tafsil. Tu dois connaître. La secte, elle est reposée sur quoi? Leurs aqwal, ils sont fondés sur quoi? Ce qu'on appelle les fondements. Asluhum al-asil, pour les reconnaître, le premier fondement, takfir al-muslimin. Yukafiruna al-muslimin. Ay, ils rendent mécréants al-muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma ar-rajulin qala li akhih, ya kafir. فقد باء بها احدهما متفق عليه. Celui qui dit à son frère ya kafir, ça revient sur lui. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il nous a interdit de faire sortir de l'islam un muslim بغير حق. والله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Tant que ce muslim, il n'a pas fait du shirk, il n'a pas fait du kufr, il n'a pas fait une chose qui le fait sortir de l'islam, comme insulter la religion, comme se moquer d'un prophète. Nawaqid l'islam, les annulatifs de l'islam qui sont connus inda kathir min al-ikhwan, ça reste un musulman, même s'il fait des ma'asi. Son iman il est wa'if. Et on lui montre, on le conseille. Et on est contre, bien sûr. On n'approuve pas hada. Lakin, dépasser les limites et le faire sortir de l'islam, ça c'est là le fondement pour reconnaître al-khawarij. Yukafiruna al-muslimin. Qala al-hafidh ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه في عقيدة الرازيين سألت أبي أي أبو حاتم son fils ابن أبي حاتم il a demandé à son père c'est un grand imam من أئمة السنة وأبا زرعة الرازي كذلك عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك فقال il leur a demandé sur عقيدة السلف sur ce point. Et c'est quoi la croyance des salafs? Enfin, ils lui ont répondu « Adrakna l'ulama fi jami' al-amsar »« Hijazan »« Wa iraqan »« Wa misran »« Wa shaman »« Wa yamanan » Et tous les savants qu'ils ont rencontrés dans toutes ces contrées, que ce soit fil Hijaz, et la péninsule arabique, ou en Irak, ou en Égypte, ou au Yémen, ou fi Sham, « Fakana min madhabihim »« Wa la nukaffir ahli al-qibla bi dhunubihim »« Wa nakilla sara'irahum » إلى الله عز وجل. C'est ça مذهب السلف. أنهم ne rendent pas mécréant al muslim parce qu'il a fait un péché. Contrairement au khawarij. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. C'est ça le fondement de الخوارج. Tout ce qui va venir après من الخروج من القتل والقتال من استباحة الدماء c'est pour rapport à ce takfir فيكفرون بالذنب ما ليس بالذنب احيانا c'est même pas un ذنب يكفرون المسلمين بهذا بل بعضهم ils ont dépassé les limites أكثر ويكفرون حتى بغير الكبيرة عيادا بالله alors que tu les trouves c'est من أفسق الناس من أفسق الناس الخوارج أنهم يفون des ذنوب ليلا ونهارا Ils ont des mukhalafat kathira et ils ont beaucoup de péchés. Lakin, quand c'est un musulman qui n'est pas d'accord avec eux, yukaffiroun. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, fi sharh fadl al-islam, al-khawarij lahum sifat minha al-khuruj ala wali al-amr, wa minha takfir sahib al-kabira, wa hadha huwa al-asl. C'est ça le fondement principal. Annahum, ils rendent mécréants al-muslimin. قال وهم ما خرجوا على ولي الأمر إلا لأنهم يكفرونه بارتكاب الكبائر التي دون الشرك. Même le deuxième fondement qu'on va citer, inshallah, est la rébellion contre les gouverneurs. Ils se sont rebellés qu'après avoir fait sortir ce gouverneur de l'islam. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين جهال قوم سيدي الجهال حتى دي فيغسي في القرآن الكريم سي سور لي كفار سور اليهود سور النصارى سور المشركين هؤلاء ils ont compris et ils les appliquent contre les musulmans عياذا بالله et ça ça montre أنهم ils ont pas de fiqh. C'est pour ça que tu ne trouveras jamais un savant de l'islam عند الخوارج أبدا. C'est des جهال. فهذا أصلهم الأصيل. تكفير المسلمين. C'est leur fondement principal. Faire sortir les musulmans من الإسلام. بغير حق. الأصل الثاني, le deuxième fondement, استباحة دماء المسلمين. Après avoir fait sortir ce musulman من الإسلام, pour eux, Son sang, il est halal. Pourquoi les annahus sont un kafir? Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Wa'idun shadid. Celui qui tue un mu'min muta'ammidan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité anna jaza'uhu jahannam. Thumma وغضب عليه l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre lui وَلَعَنَ il le maudit وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا et كذلك un châtiment énorme lui est réservé pour celui qui tue un mu'min muta'ammidan et tu trouves هؤلاء الضلال الخوارج tuer un mu'min ou plusieurs c'est من أسهل ما يكون عندهم ils n'ont pas de wara ils n'ont pas de khawf min Allah qui est fondé sur l'ilm وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim أن le sang, les biens et l'honneur du musulman ils sont haram. أي personne n'a le droit de les toucher. Même s'il fait des ma'asi, même s'il a un iman da'if, même s'il a des mukhalafat, tant que c'est un musulman, son sang il est haram. Amma ha'oula, pourquoi ils tuent le musulman? Pourquoi ils font des attentats? Pourquoi ils font des tueries? Pourquoi les anna pour eux, aslan c'est plus un musulman? Kaffarouh, comme on l'a vu dans le premier fondement. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث كذلك في الصحيحين. المصيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أي اتشوا المسلمين أي دلس الكفرة. وهذا حالهم الآن في الغالب. La plupart des attentats, des tueries, al fasad qu'ils font, c'est في بلدان المسلمين. Et même في بلاد الكفر لا يجوز هذا الظلم de cette façon. لكن الأمر il est أشد quand ils tuent المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون. Pourquoi ils tuent et ils autorisent à tuer un muslim ou plusieurs, les anna pour eux, ce muslim c'est un murtad. Il n'a aucune hurma. Il n'est pas concerné par tous les hadiths qu'on a récités. Anna son sang, il est haram, il est akhri. Il s'autorise à le tuer, iyadam billah. Qala rahimahullah, akthar mimma yastahilluna min dima'i al-kuffar alladhina laysu murtaddi. Sahih, harbuhum ala al-muslimin il est achad. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال رحمه الله أي ابن تيمية في منهاج السنة فلا أرى أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين. صحيح. C'est من أخبث الفرق. Leur عقيدة est très très grave. لماذا؟ لأن la conséquence de ce فكر خبيث c'est des milliers de morts, بل des millions. من المسلمين à cause de هؤلاء من زمان ويقتلون في المسلمين عيادا بالله. قال ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم. حتى leur soi-disant jihad qui font contre le kuffar, et في الحقيقة c'est un jihad في سبيل الشيطان لأنهم يسويف الهوى, il n'y a aucune فائدة pour les musulmans, il n'y a aucune مصلحة. الخوارج ils en mènent que du شر. لماذا؟ لأن المذهب الفكري اللي فوندي سور الفساد وما بني على فاسد فهو فاسد. فالمنهج اللي فاسد الفكري اللي فاسد سأؤمن كد الشر ومسلمين. الآن توت سي توري توت سي زاتنطا اسكو لا أمة الأمة الإسلامية لا كومينوتي ألان بروفيت لا في الدين ولا في الدنيا بل سأؤمن الشر عظيم. قال يا شيخ الإسلام بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. نعم. Donc la solution c'est pas عند هؤلاء أبدا. هؤلاء ils emmènent que du شر. ومن أصولهم كذلك c'est le troisième الخروج على حكام المسلمين. كذلك ce fondement c'est la conséquence du premier. كفروهم. Donc, ils se sont autorisés à sortir, à se rebeller contre ce gouverneur. لماذا لأن pour eux, c'est plus un musulman. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر من الله. Qu'on doit obéir. On doit écouter. On ne doit pas se rebeller contre ce gouverneur tant que c'est un musulman. Et le gouverneur, même s'il a des ma'asi, même s'il a des faiblesses, on ne le fait pas sortir de l'islam, عياذا بالله. Ça reste un musulman. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. الحديث اللي في الصحيحين. أن celui qui voit من أميره شيئا أي une معصية une مخالفة, il sait que ce amir il a une faiblesse dans telle chose, il fait tel péché. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر, patiente, ne suis pas tes passions comme ils font le khawarij. Khawarij ils suivent leurs passions, soi-disant ils veulent secourir le din et ils font que du mal à ce din. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من فارق الجماعة, لأن se rebeller contre ce gouverneur ça va diviser le jama'. Et c'est ce qui se passe là. Toutes ces révoltes qu'ils ont fait, Ha'oula, Abdullah, ils ont poussé Awam al-Muslimin à sortir. Et ça a fait, ou la conséquence, ça a été Al-Furqa, ou Al-Da'af. Et A'da'ullah, ils en profitent encore. Ila yawmina hada. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'innahu man faraqa al-jama'a shibran, famata famitatun jahiliya. Sa mort, c'est comme il l'a décrit un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il est mort à la char. Donc là, tartar, les efforts qu'ils font, ou le combat qu'ils mènent, et ils se font tuer, les sacrifices qu'ils font, c'est charru al-khalq wal-khaliqa. Et il n'y a aucune baraka. La fi jihadihim, wala fi madhhabihim. Il n'y a aucune baraka, c'est que du charru. Lakin il-asaf ba'd al-shabab, vu qu'ils sont éloignés du ilm, فيغترون بالمظاهر فقط خاصة أن هؤلاء كما تعلمون يفون دي فيديو يبروباج دي زوديو وبعض الشباب يزون إتي إدوكي على هذا يزون إتي إدوكي على المعاصي ثم يستقيمون يتخوب عند هؤلاء الخوارج أن غمبلاسمون سور كوا إلزت توت سي فيديو وتوس فساد يسطوريز هذا أو نون دو الدين سي الهواء. Ils se font du mal, ayyadam billah, ils font du mal aux autres. Fal-ilm, al-ilm. Ce qui sauvera hadihi al-umma bi-idhnillahi azza wa jal, c'est l'ilm. Et celui qui n'a pas d'ilm, il revient à ahl al-ilm. Wa al-a'imma, kama ta'lamoun, ajma'u ala tahrim al-khuruj ala wali al-amr. Comme il a rapporté l'imam al-Taymiyyah, rahmatullah alayhi, l'imam al-Nawawi, wa kathir min al-a'imma. Il rapporte hada, et c'est haram de se rebeller contre un gouverneur musulman. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. شغلهم الشاغل, c'est ça. Leur din, c'est ça. Toujours se rebeller contre le gouverneur, toujours faire du mal aux musulmans, diviser, tuer. C'est ça leur din. Tu verras jamais أحد هؤلاء en train de faire du khayr, en train de apprendre l'ilm. أبدا, ils sont que في هذا الحكام الحكام والحرف. فائدة مهمة par rapport à ce أصل ذكرها العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على شرح السنة للبربهاري رحمه الله. قال الخروج ينقسم إلى قسمين, أي الخروج على الحكام, de deux sortes. Al-awwal qala khuruj fi'li bis-sayf wa ma fi ma'naha. C'est ce qu'on vient de citer. Ay se rebeller contre le gouverneur bis-sayf, avec les armes. Ou en sortant dans des manifestations, en cassant ila akhir. Ça c'est khuruj bil-fi'l. Qala al-thani khuruj qawli. Ay yatakallam al-insan fi wulat al-amr wa yaqdah fihim wa yadhummuhum دعوة إلى الخروج عليهم. وهذا ربما il est plus grave que le premier. أي الخروج se rebeller باللسان. لأن في الحقيقة le premier il est apparu, أي ce خروج, qu'après que les gouverneurs ils ont été critiqués. خاصة من عوام الناس من الجهال. أنهم يسخت لماذا؟ لأنهم ils ont entendu دعاة الفتنة ودعاة الشر en train de critiquer les gouverneurs. Et indirectement, ils appellent au khuruj, ou directement. Donc, al-hadar. Al-hadar min al-khuruj bil-fi'l, ou min al-khuruj bil-lisan. Qala al-Sheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi ta'liqihi ala risalat raf'a al-asatin li al-Shawkani, rahimahullah, wa hadha akbar dalil. Ay, yurid, qawl dhil khuway sirat tamimi, i'dil ya Muhammad. Ça, c'est akbar dalil. على أن الخروج على الإمام الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. Vous avez remarqué que Dhul Khuwaysira, il n'a pas fait Al-Khuruj contre Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam avec les armes, là, bil kalam. Et Adilia Muhammad, il a accusé le prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de ne pas être juste. وهكذا الخوارج الآن يطعنون في الأمراء بغير حق. Et c'est un nom, c'est une catégorie de rébellion. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه. انتهى. فالإنسان يحذر. إنسان يحذر de ne pas s'occuper avec ces choses et de laisser ما هو أهم quelque chose de واجب. بعض الناس شغلهم الشاغل comme on a dit الطعن في الأمراء. Tel roi il a fait, tel président il a fait, et avec les réseaux, l'an, avec internet, tel roi il a fait, tel président il a fait. Et كثير من هذه الأشياء c'est du كذب. Et si c'est vrai, ونحن لا نعتقد العصمة في أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. Ils sont pas معصوم, ils ont des faiblesses, on a tous des faiblesses. لكن on doit se comporter avec nos gouverneurs, avec les textes, avec le Coran et le Sunnah. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر. Il a pas dit on se rebelle, on propage leurs défauts ou leurs péchés. Tout ça c'est min madhhab al khawarij ou min madhhab du'at al fitan. فالإنسان يحذر. Est-ce que ha'oula l'an ils ont arrangé les choses, tout ce qu'ils ont fait contre le hukam? Abadan, abadan, ça fait que du mal à la umma. Et l'umma l'an elle est fait à cause de ha'oula. La solution c'est pas ça, la solution c'est du'a, faire du'a pour eux. La solution c'est التعاون على البر والتقوى. La solution c'est faire des efforts dans l'ilm. La solution c'est éduquer nos enfants sur as-sunnah. Amma critiquer les gouverneurs c'est un bab shar azim. Wa ta'ammalu, ça a commencé des critiques sur Uthman radiyallahu anhu. Thumma ijtama'u fi Misr, comme on a raconté, on a cité l'histoire au début. Thumma ils sont venus à Medina, ils ont tué Uthman alors qu'au début c'était que des paroles. Thumma, ils se sont retranchés dans un endroit et ils ont combattu Ali. Ila yawmina hadha. Tout ça pourquoi? At-ta'n fi wulat al-umur. Kadhalik min usulihim, et c'est le dernier qu'on citera huna, ta'nuhum fi ahl al-ilm. Kadhalik critique ulama al-islam. Pourquoi? Li'anna ulama al-islam y combattent al-khawarij. Depuis l'époque des compagnons, comme il a fait Ali radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à aujourd'hui, wallahi alhamd. Fayat'anun fihim. Fayaqulun anna al-ulama la yafqahun al-waqi'. Et ils disent que les savants ils connaissent pas le waqi', ils connaissent pas la réalité des choses, le monde dans lequel on vit. Falihadha yaqulun anna c'est des ulama hayd wa nifas. Et dans ces sujets de fiqh, c'est des savants, amma ce qui se passe dans la communauté, la politique et la akhira, ils connaissent pas. Hada ta'nun fi علماء الإسلام بل العلماء يكونس الواقع ولله الحمد لكن يتعاملون مع الواقع بعلم يسفيف بالاق باسيون. كذلك يقولون أنهم عملاء للسلطة. Pourquoi? لأن les savants de la sunna ils disent qu'il faut respecter les gouverneurs, il faut leur obéir في طاعة الله. أما في المعصية لا أحد يقول أنهم doit leur obéir dans les péchés. Là dans les péchés on ne leur obéit pas. لكن est-ce que ça implique qu'on va se rebeller, on va se révolter et on va faire du fasad? Kadhalik, tant que c'est un musulman, enfin c'est un musulman. Si le hakim il a un péché, nous aussi on a des péchés. S'il fait plusieurs péchés, enfin anta kadhalik, tu en as. Est-ce que la solution c'est se rebeller et faire du fasad? Et on a détaillé, walillahi alhamd, ce point, ma yata'allaq bi al-khuruj wa na'am al-khuruj ala al-hukam, on l'a détaillé, walillahi alhamd, dans plusieurs durous. Kadhalik, يقولون في أهل العلم أنهم مرجئة. Pourquoi? لأن العلماء لا يكفرون بالكبيرة. فبغوا سيد مرجئة عيدا بالله. والعلماء علماء السنة سأبعد الناس عن الإرجاء. قال العلامة الإمام محمد أمان الجامي رحمة الله عليه محاولة التلبيس على الشباب ليعلنوا لهم أنهم هم العلماء وهم الدعاء. Pourquoi ce harb على علماء الإسلام؟ Que ce soit min al-khawarij, que ce soit min atba'ihim al-haddadiyya, que ce soit min al-juhal. Limadha yat'anuna fi ahli al-ilm? Pourquoi? Pour que les jeunes, ils s'écartent des savants de l'islam et ils les suivent eux. Tant que l'umma, elle revient à ces savants, l'umma sera fi khayr wa ala khayr. Khassatan al-shabab. Amma une fois que l'image des gouverneurs elle est salie et l'image des savants elle est touchée, fal umma se dirigera vers haula. C'est ce qui se passe là. Fi kathir min al-amakin wal khayr hasil lakin fitnat haula elle est shadida. قال الشيخ الجامي رحمة الله عليه لأنهم هم العلماء وهم الدعاة وأن غيرهم مع السلطة. أي font apparaître aux jeunes أن العلماء خاصة علماء المملكة أنهم c'est des عملاء أنهم c'est des مرجئة أنهم ils sont مع الحكام إلى آخره pour écarter l'umma de هؤلاء et qui suivent دعاة الفتنة الحركيين. فالأمة sera في خير tant qu'elle respectera ses gouverneurs et tant qu'elle reviendra à ses savants. لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Cette umma, elle obéit à Allah, elle obéit à son messager, et que ذلك derrière ses savants et ses gouverneurs. Cette umma, بإذن الله, elle sera préservée. أما umma طَطْعًا فِي حُكَّامِهَا وَفِي عُلَمَائِهَا فَالْأَعْدَى يَتَمَكَّنُونَ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ. Les ennemis de l'islam, ils prendront très vite le dessus sur une umma qui combat ses savants et ses gouverneurs. وَمِنْ صِفَاتِ هَؤُلَاء. On a cité leur fondement. Al-an, ils ont des caractéristiques. Tu les reconnaîtras avec ces caractéristiques, Inch'Allah ta'ala, أَيْنَ مَكَانَ. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ces caractéristiques أي الصفات الخوارج في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. Parmi les caractéristiques qu'il a citées, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, annahum sigharu sin. Et ils ne sont pas âgés. En général, c'est des jeunes. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yati fi akhir zaman qawmun hudatha'ul asna. Pourquoi? Li anna shab, il n'a pas d'expérience. Il n'a rien vécu. Et en général, il n'a pas eu le temps d'apprendre. Contrairement à une personne qui a un âge avancé. Enfin, revenir à ces jeunes, ça ouvre des portes de fitna. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé le khawarij annahum, ils ne sont pas âgés, c'est des jeunes. Hudatha ou l'asna. Ils délaissent l'ulama, ils délaissent l'uqala, ils délaissent l'hukam. Et pour eux, pour le khawarij, il n'y a qu'eux qui ont raison. Tu les trouves, c'est jama'at, mais les shabab. Et ils kaffrent l'ulama, ils kaffrent l'hukam, ils kaffrent tout le monde, et il n'y a qu'eux qui sont à la haq. Soufaha ou kadalik, قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On répète al-hadith, na'am, qala, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Ça fait partie de leurs caractéristiques, kadhalik. At-taysh, wa-safa, wa-l-hamas, wa-l-isti'ajjal. Ils se précipitent. Kadhalik, ils ont du hamas. Ils suivent leur passion très vite. Ils ne regardent pas al-masalih ou al-mafasid. Ils ne regardent pas est-ce que cette chose c'est pour la umma ou contre la umma. Qala, sallallahu alayhi wa sallam, sufaha'ul ahlam. Ay, anna uqulahum radi'a, kama qala al-hafid fil fath. Uqulahum radi'a. Ils comprennent mal les choses, ils se précipitent. Ils ne regardent pas loin. Ça, c'est min abraz sifati ha'ula. Kadhalik, on peut citer min safahatihim, annahum qatalu Abdallah ibn Khabbab, radiyallahu anhu. Et kadhalik, sa femme. قتلوه un sahabi قتلوه ثم ils ont tué sa femme alors qu'elle était enceinte ثم يذكرون ابن كثير وغيره في كتب السير أن بعد ذلك من هؤلاء أنهم ils ont tué ce sahabi جليل وبعضهم ils ont tué عثمان وبعضهم ils ont tué علي et tu trouves من هؤلاء من سفاهتهم أنهم ils demandent est-ce que c'est permis de tuer une mouche, مثلاً. كما حصل وابن عمر أنكر عليه. Ils ont tué sahaba أجلة ثم تتخوف هؤلاء ils ont هذا الورع البارد. واحد منهم une pomme elle est tombée d'un arbre يذكرون Elle est tombée dans un arbre et Ruwayy marchait. Et il a mangé cette pomme, wa ankaru alayhi, comme s'il a fait une mukhalafa azim. Alors que cet arbre, yadkurun annahu, c'était un nasrani. Tout ça pour montrer, non, c'est des soufaha. C'est des soufaha. Kayfa, ils s'autorisent à tuer. Min afdal an-nas, ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thumma, tu les trouves, as soufaha, ils se posent des questions, est-ce que ça c'est permis, est-ce que cette chose c'est permis? Dans des choses qui n'ont pas une grande importance. Soufaha. Min sifatihim kadalik, al-ijtihad fil ibadah. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه أو مع صيامهم. تأملوا هذا الحديث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبعل دي كومبانيون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. أي vous allez minimiser votre salat par rapport à la leur et votre صيام par rapport au leur tellement qu'ils font beaucoup. مجتهدون. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاستقامة ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة أي من حيث الكثرة يفزبوكو. قال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. Ça vous montre هذا et ça nous montre à tous l'importance de revenir aux savants de la sunna. L'importance de comprendre ce din à la fahmi salaf. Avec toutes ces ibadat, le Nabi sallam il a informé yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Wa ta'lamun anna al-ulama ikhtalafu est-ce que les khawarij c'est des kuffar ou la par rapport à ce hadith. Fa kathir minhum ils disent que les khawarij c'est pas des muslimin, c'est des kafara. Lian le Nabi sallam akhbara annahum ils vont sortir de ce din comme la flèche elle sort de sa proie. Wa min ha'ula qui les ont kafar al-imam الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كذلك الشيخ صالح الفوزان يكفرونهم pour vous montrer la gravité de هؤلاء مع أنهم مجتهدون في العبادة وبعض العلماء لا يكفرونهم. C'est un autre sujet qu'on détaillera pas هنا. لكن tout ça pour vous montrer أن مع كثرة العبادة ils sont في الضلال شر الخلق والخليقة. Donc le but c'est pas de faire que des ibadat ou beaucoup de ibadat. Là, le but c'est que cette ibada elle soit à la وجه مشروع كما بين شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن تيمية كذلك رحمه الله قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم. Ils font des efforts. حتى الخوارج كون كومباتوا علي qu'ils étaient في حارورة. بعض الصحابة ils ont décrit أنهم sur leur visage il y avait أثر السجود et sur leurs genoux كذلك tellement qu'ils faisaient السجود longtemps et يجتهدون في العبادة لكن سبي بجهل يكثر من الصيام ومن الصلاة ومن قراءة القرآن ثم يكون بعد عثمان يتو عثمان ثم يكون بعد علي ثم يتو des autres compagnons ثم يتو الآن des musulmans. Pourquoi هذا؟ لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé العلم. عبادة بلا علم ربما الإنسان يسقى avec sa ibada. وتأمل حال النصارى كذلك تأمل حال الصوفية أنهم أظهروا العبادة et se sont consacrés à هذا زعموا et ils se sont égarés. لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé العلم. Ce qui va régler tout ça c'est العلم pour ne pas s'égarer. لا إفراط ولا تفريط. كذلك من صفاتهم الغرور والتعالي. نعم ils ont du كبر. يحتقرون المسلمين بل يقتلونهم. التعالي أي ils se sentent supérieurs. غرور عجيب هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. نعم تعجبهم أنفسهم. celui qui a étudié cette secte بشيء من التفصيل يعلم هذا أن القوم ils ont du غرور. Depuis l'époque quand ils ont combattu les Sahaba ila yawmina hadha. كذلك من صفاتهم التفجير والتدمير. التفجير والتدمير اي ils font des attentats. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ولا شك ان هذا العمل لا يرضاه احد كل او نعم كل عاقل فضلا عن المؤمن. Et هؤلاء tu les trouves ان pour eux ces attentats que ça soit suicide ou autre, pour eux c'est min al-jihad fi sabilillah, pour eux il y a un ajr azim et celui qui meurt il l'appelle al-shahid. Alors que comme قال شيخ ابن عثيمين l'aql il sait que ce amal, ces attentats c'est du fasad et c'est du shar. لماذا؟ لأن ils ont contredit des preuves du Coran et de la Sunna, et kadhalik, ça apporte que du mal à la umma. Un aql, il s'aperçoit que c'est mauvais. Fadlan anil mu'min. Qala, li'annahu khilaf al-kitab wa sunna wa li'anna khayr ou li'anna fihi isa'atan lil-islam fi d-dakhil wal-kharij. Et depuis qu'il y a cette vague d'attentats l'Inde depuis quelques années, ta'lamoun shar alladhi hasal. Comme min al-muslimin, ils ont été accusés injustement. Comme min al-muslimin, ils ont perdu leurs droits. Comme. Dhiq ala al-muslimin. Pourquoi? Li'annahu c'est un jihad fi sabil al-shaytan. C'est pas un jihad fi sabilillah. Qala walakin al-wajib ala tullab al-ilm an yubayyinu anna hadha al-manhaj manhajun khabith. Manhaj al-khawarij alladhi استباحوا دماء المسلمين وكفروا أو وكفوا عن دماء المشركين نعم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان نصيحة طيبة لشيخ ابن عثيمين طلاب العلم doivent faire des efforts pour mettre en garde contre هؤلاء أولا on doit les connaître on doit savoir leur fondement بعلم بدليل ثم on met en garde بعلم ساسو الخوارج وأطر هذه بعض الصفات هؤلاء. الآن on peut se poser une question et on conclut بهذا. هل الخوارج موجودون في هذا الزمان؟ Après tout ça, الآن on connaît leur fondement. Le principal fondement c'est le takfir. ثم ça a provoqué plusieurs choses. استباحة الدماء والخروج على أولياء الأمور. La rébellion. لماذا؟ لأنهم ils ont كفر ses gouverneurs. Et on a quelques caractéristiques de هؤلاء. أنهم c'est des jeunes en général. Ils n'ont pas d'ilm, yajtahidun fil ibada, lakin c'est des juhal. Kadhalik, ils font des attentats ila akhiré. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils sont mawjoudoun l'an? Qala Cheikh al-Fawzan, ils lui ont posé la question, hafidhahu Allah ta'ala, kama fi mawqi'ihi al-rasmi, qala ya subhanallah. Wa hadha al-mawjouda, laysa huwa fi'l al-khawarij. Quand ils ont posé la question à Cheikh al-Fawzan, il a été étonné. C'est pour ça qu'il a dit ya subhanallah. Et tout ce qui se passe l'an, ça vient d'où? Tous ces attentats, tous ces fitan, toutes ces révoltes contre les gouverneurs, ça vient d'où? Illa min fikr al-khawarij. Du'atun qui pousse des jeunes, qui pousse l'awam à faire ces révoltes, à faire ces attentats. Tout ça, ça vient de ha'ula al-khubatha. Qala, ya subhanallah, hada al-mawjoud, laysa huwa fi'l al-khawarij, wa huwa takfir al-muslimin, wa ashaddu min dhalik qatl al-muslimin, wa li'atida alayhim, wa hada madhhab al-khawarij. Donc tout ce que tu vois, que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Al-Ikhwan, tout cela, leur madhab, leur groupe, il est fondé sur هذا الفكر. Takfirun wa istibahatu ad-dima wa al-khuruj. Donc n'ayez aucun doute, anna Daesh et autres c'est des khawarij. Wa min ru'us ha'ula qu'on peut citer, fi hadha zaman, et ça c'est important كذلك. De connaître la secte, de connaître le groupe avec ses fondements et ses caractéristiques, كذلك, tu dois connaître ceux qui appellent à ce fikr et qui appellent à ce groupe à notre époque. Wa min abrazi ha'ula wa huwa mufakkiruhum al-kabir wa ustaduhum al-mubaddil Sayyid Qutb. Huwa alladhi jaddada madhhab al-khawarij fi hadha al-asr. C'est lui qui a fait revivre hadha al-madhhab. Cette pensée de at-takfir wal khuruj à notre époque. Walillahil hamd, on a, avec nos frères, on a fait une kalima sur hadha al-munharif et on avait détaillé tous ces égards. Et huna, on peut citer une de ces paroles fi dhilal al-Qur'an pour vous montrer le lien de hadha al-rajul avec cette secte. Qala, innahu laysa ala wajhi al-ard al-yawm dawlatan muslima. Voilà مجتمع مسلم تكفير واضح. Et تعلمون أن il s'est fait tuer dans les années 60 par Obama هذا الكلام il l'a dit dans les années 50 et الحمدلله الخير il était موجود que ça soit في المملكة ou في غيرها الحمدلله avec des manquements bien sûr لكن le fait de dire il n'y a pas de دولة مسلمة et pas de مجتمع مسلم tu ne trouves pas un تكفير aussi clair فما بالك الآن si un jeune il lit مثل هذا qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser qu'il n'y a plus de pays muslim. Il n'y a plus de sha'b qui applique l'islam. Tout le monde va kafir, tout le monde va s'autoriser des choses. C'est pour ça que tu trouves al-khawarij. que ça soit min al-rawafid, il y en a, c'est des khawarij, ou que ça soit min al-ikhwan, ou que ça soit da'ish, ou ha'oula al-dhalal, kulluhum, ils reviennent à kutub hadha ar-rajul. Pourquoi? Il y en a, c'est lui qui a revivifié ce fikr al-khabir. ثم قال قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. أي يا plus de مجتمع يا plus de دولة qui applique l'islam. هذا سن تكفير صريح. وقال كذلك في كتابه العدالة الاجتماعية. سن كتاب مليء بالتكفير. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر. ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقر أن ذلك الثورة في أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. تأملوا تزكية ومدح de ceux qui ont tué عثمان رضي الله عنه. عثمان صحابي جليل. Le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a marié avec deux de ses filles, بشره بالجنة. Et ceux qui l'ont tué c'est des خوارج كلاب النار. هذا الخبيث يقول هنا أن on doit être clair أن cette ثورة, cette rébellion contre عثمان elle fait partie de l'islam. بل قال ثورة من روح الإسلام, elle fait partie de l'âme de l'islam. Alors qu'ils ont tué الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. Ça vous montre أن الرجل il était على مذهب الخوارج فعجبا الذين دافعوا عنه. Après tout ça, on s'en va, l'afia au salam. وذلك دون إغفال ما كان وراءهم من كيد اليهود أو اليهود ابن سبع عليه لعنة الله. ثم à la fin, pour minimiser son calam, il a dit, et on sait que هؤلاء, ils ont été poussés par اليهودي عبد الله ابن سبع. فلماذا تمدحهم? Pourquoi malgré tout ça? Et il يقول أن leur révolution contre عثمان, elle fait partie de l'islam, إلى آخره. فحذروا من كتب هذا الرجل وحذروا منها. Elle a sebbe beaucoup de fitan. Kadhalik, min rousihim fi hada zaman, Usama bin Laden, al-Dhal, al-Munharif. Son cas, il est clair. Al-Ulama hadharu minhu qabla sirin, minhum al-Imam, al-Sheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, ibn Baz, qala kama fi jaridat al-Muslimin, en 1417, ça fait 22 ans. Alors qu'il n'était même pas encore connu, inda nas. العلماء حذروا منه et de sa fitna. لكن ça vous montre أن لو العلماء رجعوا لو الناس رجعوا إلى هؤلاء فكثير من الفساد بإذن الله il aurait été évité. لكن قدر الله وما شاء فعل. قال أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض ويتحرى طرق الشر الفاسدة وخرج عن طاعة ولي الأمر. Ça c'est il y a 22 ans. والشيخ مقبل رحمة الله عليه كذلك il a mis en garde contre lui كما في جريدة الرأي العام الكويتية en 1998 كذلك il y a à peu près 20 ans. حذروا منه ومن فتنته. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أبرأ إلى الله من بلاد فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر. العلماء حذروا من هؤلاء. كذلك parmi ceux qui propagent هذا المذهب بقوة الآن الحركيون دعاة الفتنة كأمثال يوسف القرضاوي المنحرف وصفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني ومحمد حسان ومحمد العريفي توصل من دعاة الإخوان المفلسين الحركيين ils ont appuyé et ils ont encouragé الربيع العربي comme ils l'appellent et les révolutions dans les pays arabes. Et ils ont été la cause de tout ce fassad. وهم ils sont chez eux ولا يفعلون شيء. لكن ils poussent الشباب à se révolter. Et vous savez tout ce qui s'est passé à cause de ces révoltes. Et on détaillera بإذن الله عز وجل ما يتعلق بمثل هؤلاء quand on étudiera ensemble فرقة الإخوان المسلمين. Le groupe des frères musulmans, on détaillera هذا إن شاء الله. على كل حال on conclut هذه الكلمة avec la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله قال في كتاب النبوات وكذلك الخوارج لما كانوا أهل السيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقتلون الناس وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. تأمل هذا في زمن Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. فما بالك في زمننا ce zaman أن الجهل انتشر فيه جدا. Cheikh al-Islam il démontre أن à son époque أكثر الناس ne connaissaient pas madhhab al-Khawarij. Et celui qui ne connaît pas une chose, il peut tomber dans cette chose. فلهذا ننصح جميع الإخوان بالاجتهاد والتفقه في دين الله عز وجل خاصة علم العقيدة. لأن ces دروس sur les sectes c'est lié avec العقيدة. العلماء يسيت ces sectes في كتب العقيدة. لكن نحن les simplifie à nos frères حتى ça devient accessible et plus simple. وإلا هؤلاء sont cités في كتب العقيدة. On les a étudiés مع بعض الإخوان في لمعة الاعتقاد باختصار. فالجد والاجتهاد في هذا. C'est ça la chose la plus importante. At-tafaqquh fi dinillah, khassatan ilm al-aqidah. Connaître aqidat al-salaf. Tout le khayr que tu vois fi hadhihi al-umma, al-sabab al-ra'isi, ba'd fadlillahi azza wa jalla, c'est le suivi du salaf. Aqidatan wa manhaja. Et tout le shar que tu vois al-an fi al-umma, al-sabab, c'est mukhalafat tariqat al-salaf. Que ça soit fi tawhid fi al-aqidah ou fi ghayr dhalik. Enfin, les musulmans, tous, on doit faire des efforts في هذا. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هؤلاء الضلال وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.